Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 13. C'est décidément le mauvais chiffre pour le mauvais jour. Enfin, le mauvais jour. Après, tout est relatif. Je suppose qu'il y en a qui doivent être. Enfin, à l'heure où je parle, il y en a qui doivent être plutôt satisfaits. Et si vous ne comprenez pas le propos de cette introduction, c'est que. On est le 9 novembre, il est 7h04. Et je me suis réveillé ce matin, il était 5h, 5h15. En temps habituel, je pense que je serais resté au cadre pour essayer de me reposer un petit peu et puis faire vraiment le plein de bonnes ondes avant d'aller au boulot. Mais c'était un peu plus fort que moi, je me suis levé juste pour voir où en étaient les élections américaines. Et pas parce que le côté politique de la chose m'intéresse particulièrement. C'est plutôt les conséquences humaines de ce que je pressentais, c'est-à-dire qu'on pouvait éventuellement se retrouver avec un gros tabaillot à la tête de la première puissance mondiale. Donc à l'heure où je vous parle, il est 7h05, moi je viens juste de partir, et d'après ce que j'avais compris, bon, c'était pas totalement cuit-cuit, mais... Puisque d'après ce que j'ai entendu, il restait la Pennsylvanie qui pouvait éventuellement recoller quelques morceaux. Mais bon, voilà, moi à l'heure où je vous parle, quel que soit le résultat, c'est surtout la manière dont tout ça a été traité et la manière dont ça se déroule qui m'inquiète un peu quand même. Et bon, je vous cache pas que c'est un peu le bordel dans ma tête avec cette histoire. Pas que ça me prenne la tronche, c'est simplement que... J'ai beaucoup d'idées à remettre en place et je pense que là, pour le coup, sur une demi-heure, j'aurai pas le temps. D'autant plus que vous savez très bien que je suis apolitique avec la manière dont c'est fait de nos jours. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est les implications que tout ça va amener. Qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, qu'on soit clair, j'ai pas d'obédience particulière. Mais... Enfin, Clinton ou Trump, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ces gens-là ne travaillent pas pour leur pays. Non. Aujourd'hui, trouvez-moi un responsable politique qui travaille réellement pour son pays, qui a la fibre politique incarnée comme... Et là, je vais peut-être être un peu rétrograde, sûrement, comme on pouvait éventuellement en trouver dans les années... Je vais pas dire 30 parce que ça fait référence à des mauvaises choses, surtout que je pensais pas du tout à l'Allemagne nazie en plus. Mais je veux dire, il me semblait qu'à une époque, en France, on faisait ces choix-là, même avant. Alors remontons à une époque plus ancienne, on remontait quand même sur des politiques qui faisaient des carrières en politique uniquement par conviction. D'après ce que moi j'ai dans mes souvenirs et d'après ce que j'ai dans mes lectures. Peut-être que j'ai pas les bons souvenirs et peut-être que j'ai pas les bonnes lectures. Et je vais peut-être en froisser quelques-uns durant cet épisode. Uniquement parce que ce que je dis n'engage que moi et du coup vous allez me catégoriser. Mais c'est pas grave. Je vous ai déjà dit, si ça vous plaît pas, vous avez le droit de partir. Et par contre, si vous avez un débat constructif, voilà, c'est... Vous m'écrivez, c'est ramlepodcast, ramlepodcast @gmail.com. Et j'échangerai avec vous. Moi, je suis pas fermé sur le sujet. Je veux bien apprendre des choses ou je veux bien qu'on m'éclaire si on estime que je me trompe. Donc voilà, je me suis réveillé ce matin et je voyais la surprise générale. Enfin, tout le monde avait l'air surpris que Trump soit en tête. Déjà, statistiquement... Il y a des paramètres qui font qu'on peut s'attendre à plus ou moins un résultat, mais statistiquement, ce mec-là, il a quand même une chance sur deux à la base de gagner. Ok, ça c'est une pro. Qu'est-ce qui me fait. Mais putain, mais t'as pas un autre endroit, toi, pour t'arrêter? Oh, mais je te jure. Putain. Grand teubé, tiens. Excusez-moi, je vais forcer. Voilà. Ouais, donc ce mec-là, il avait à la base, il a une chance sur deux de gagner. Et note pour plus tard, il y en a d'autres qui ont aussi des chances de gagner en 2017. Voilà. Et ça, c'est absolument pas politique, c'est humain. ce que je vous dis. C'est que je ne sais pas si Clinton sera, et, puisque à l'heure où vous l'entendez, c'est quasiment bâché normalement les résultats. Mais je me dis qu'humainement, l'humanité va reculer avec un mec comme Trump à la tête des USA. Et là, je suis conscient que je m'engage dans quelque chose, même si je vous dis que c'est pas ma partie. Mais il y a un moment, en tant qu'être humain, il faut quand même se poser des questions sur ce qu'on fait. Et je sais pas si Trump, c'est le bon choix. Je dis pas que Clinton aurait été un meilleur choix. Je sais pas. Honnêtement, je l'ai suivi de très très loin, cette campagne. Moi, la manière dont j'ai vécu cette campagne, c'est graduellement. Et je l'ai comparé aux autres campagnes quand j'étais gamin ou quand j'étais adolescent et que je regardais ça, que je commençais à m'intéresser un peu à ce qui se passait autour de moi. J'ai l'impression que c'est du show. C'est du show business, leur truc. Et cette année, ça a été pire que tout. Ce qui me fait peur, c'est que la France avait toujours ce décalage. Mais putain, mais règle tes phares, t'éclaires la lune, connard. Pardon. La France avait toujours un temps de retard par rapport au mode de vie américain. Et j'ai fait le parallèle un petit peu avec ce qui se passe depuis quelques années en France. Et j'ai l'impression qu'on a vachement comblé le retard. On l'a comblé très très vite. Et je suis vraiment déçu de ce qui se passe dans la vie politique française. Tant dans le fond que dans la forme. Mais je crois que la forme remporte le pompon quand même. Le fond, il n'y a rien, donc cherchez pas. De mon point de vue, dans mon livre à moi, comme on dit, il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Parce que ces gens-là, comme je vous dis, ils font pas carrière pour le pays, ils font carrière pour eux. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Et on rentre dans des batailles où c'est médiatique, où c'est politique, c'est le coup le plus pourri qu'on pourra faire à l'autre. La France a très très vite comblé son retard par rapport aux États-Unis. Moi, ça me dérange parce que de ce point de vue, on écarte les vraies questions. On ne les traite pas. Et quand les gens après sont pas contents, qu'ils descendent dans la rue et qu'on essaye de leur faire comprendre, on les écoute même pas. On n'essaye même pas de comprendre pourquoi ils sont dans la rue. Ou alors quand on essaye de comprendre, on se dit « Mais pourquoi vous descendez dans la rue? Qu'est-ce que vous foutez là ?» Ils se réveillent comme ça un matin, ils se disent « Putain, mais on comprend pas, les gens ils sont là, qu'est-ce qu'ils font ?» Mais ouais, les gens ils sont là, mais... Réveillez-vous les gars, vous êtes en train de nous foutre dans la merde. Et le jour où ça va vous péter à la tronche, mais, enfin, ça va être terrible. Moi, je sais, il y a une phrase que je répète souvent, à tort ou à raison. Et là, j'incite personne à faire quoi que ce soit. Prenez pas ça pour de l'incitation, tout simplement. Mais c'est un constat. C'est qu'en 1792, on a coupé la tête à un roi. Parce qu'à force de foutre les gens dans la merde, il y a un moment où ça devient plus supportable. Les conditions sont pas les mêmes, les époques sont pas les mêmes, les mentalités sont plus les mêmes, les mœurs sont pas les mêmes. Je suis entièrement d'accord. Mais la finalité, ça restera toujours la même. C'est que quand il vous reste plus que ça pour manifester, ben faut s'attendre à ce que ça se passe un jour. Et là, je cautionne absolument pas tous les phénomènes de casse, de violence, tout ça, parce que je pense que c'est... Même s'il y a peut-être un lien hyper loin, je cautionne pas ça. Je veux dire, on résoudra rien par la violence. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous démunir jour après jour de tous nos moyens d'action. Et le pire, c'est qu'on les inscrirait presque dans la Constitution, ces moyens pour nous démunir de nos actions. Pour faire le parallèle avec les États-Unis, c'est à mon sens ce qui va se passer si la tendance actuelle à 7h15 est confirmée. Le mec qu'ils sont en train de mettre à la tête de leur pays, c'est un tabaillot complet, je vous le dis comme je le pense. Ce mec-là me fait peur. Et là, c'est uniquement humain hein, comme réflexe. Moi, ce gars-là me fait peur. Je disais dans un tweet qu'on se foutait de la gueule des Coréens avec leur Kim Jong-un ou chez tout, ou Tri ou 14 ou je sais pas quoi. Mais celui-là, va falloir se le fader. Puis là, c'est pendant 4 ans. Alors après, si la Terre résiste 4 ans, et là, je suis volontairement alarmiste, mais ce que je veux dire, c'est que on se prépare des sales jours. Alors nous, est-ce que personnellement en France, est-ce qu'on s'en prépare des mauvais à cause de lui? Je sais pas. Déjà, si on commençait par s'occuper de ce qui se passe chez nous, ce serait peut-être pas plus mal, parce que nous, on a une échéance bientôt, et je dirais pas qu'il s'agirait pas de se tromper, sinon j'orienterais encore mon propos. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, il faut arrêter de se lobotomiser la tête avec des faux problèmes et revenir aux fondamentaux. Et là, ça va m'agacer parce que je vais rentrer dans un sujet que j'aime pas spécialement aborder en public. Parce que du coup, on est vite catégorisé, mais tant pis, je vais prendre le risque. Je crois que j'en avais parlé avec Nemo à Rennes et Exotrope. Je crois qu'on était trois à discuter de ce sujet-là. Et ça va vous paraître un peu confus comme propos pour une fois, mais je pense que vous m'excuserez, vous. Puis peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi à pas savoir démêler les sentiments qu'on ressent ce matin. Mais notre problématique pour le moment, c'est de se dire comment on fait pour que ça marche mieux chez nous et s'attaquer aux vrais problèmes. Pas essayer de mettre des pansements sur une jambe de bois. Voilà, c'est dire on a un chômage. Le problème, c'est pas de se dire à qui c'est la faute. On s'en fout de savoir à qui c'est la faute pour l'instant, parce que ça, le savoir, ça résoudra pas le problème. La vraie question, c'est comment on fait pour s'attaquer à ça. Excusez-moi, je viens de prendre un vieux coup de plein fort dans les yeux. Putain, les gens, ils sont pressés. Waouh. Et la vraie question, c'est de savoir comment on s'y prend efficacement pour résoudre ce problème-là. Il y a des gens qui sont à la retraite, qui n'ont pas les moyens de vivre. Ils ont bossé, ils ont cotisé. Et ces gens-là, ils peuvent pas payer leur loyer, ils peuvent pas avoir une maison, ils sont dans la rue. Comment on fait pour s'occuper de ces gens-là? Voilà, on a des problèmes de fond. Je veux bien qu'il faille d'abord comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et ça, à mon avis, c'est une bonne démarche. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de savoir à cause de qui? Je pense qu'on se trompe de priorité. Aux États-Unis, c'est un peu le problème. Il y en a un qui fait campagne en disant « Mais si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de telle personne, de telle personne, de telle catégorie. » Il va même plus loin, il dit « C'est à cause de telle catégorie de personnes. » Bon, après, je vous le vends comme je l'ai entendu dans le peu de médias que j'écoute. Mais ça a été un comique de répétition parce que ils ont joué là-dessus pour construire l'image qu'ils ont voulu en donner. Je parle des médias américains et puis sûrement une partie des médias européens ou des médias mondiaux, puisque là, de toute façon, tout le monde s'y est mis. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du point de vue humain de ce dont est capable ce mec. Il vous parle de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Il vous parle des femmes comme si c'était des objets. Typiquement, et vous vous réveillez un matin et on vous apprend que ce mec-là est en tête. Alors le dernier sondage, là j'étais à 244 voix pour lui, 209 pour Clinton. Ça aussi, ça m'a fait marrer parce que selon les médias américains, c'était 222, 197. Enfin, on pouvait passer d'un écart de 20 voix à 40. Bon. J'ai l'impression que les médias américains sont à peu près aussi efficaces que les médias chez nous. Mais enfin, on vit dans un monde de branques. Hein. Il y a Randall Flagg ce matin qui me disait ah ben tu vois, aujourd'hui tu vas avoir la gueule de bois sans boire un seul coup. Ouais, ben ouais. Et effectivement, c'est à peu près l'effet que ça me fait, parce que je vous dis, j'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes propos. Moi qui d'habitude suis plutôt à l'aise. De plus en plus à l'aise dans ce que j'ai à dire dans mes podcasts, même si ça peut paraître prétentieux, mais c'est la sensation que j'en ai. Aujourd'hui, j'arrive pas à aligner une idée l'une derrière l'autre. La présence des blancs que vous avez dans mon discours, les hésitations, c'est pas parce que j'essaye de faire attention à ce que je dis, c'est parce que j'essaye de mettre tout ça en place et j'y arrive pas. Vous dire que je suis profondément choqué, non, ce serait exagéré. Mais vous dire que ça me laisse absolument pas indifférent, oui, là, on y est. Dans un sens, j'ai envie de dire heureusement que je reste pas indifférent. Ça prouve que j'ai encore un bout de cerveau qui est peut-être pas atteint par la crétinerie collective sur certains sujets. Mais est-ce qu'il faut s'en vanter ? Non, on s'en fout de toute façon. Mais honnêtement, et là, pour une fois, je suis super sérieux. Je préférerais avoir un ton un plus léger, mais honnêtement, non, là, j'y arrive pas. Je pense qu'on est en train de... Alors, basculer, non, parce que le mouvement de bascule, pour moi, c'était déjà amorcé. Mais on atteint le point d'achoppement, c'est-à-dire que là, on tombe. On tombe vraiment dans quelque chose de triste. On sait que les Américains, du fait de leur grande population, on va retrouver tous les échantillons du crétin le plus profond, au gars le plus éclairé, le plus... qui a le plus de recul sur les choses. Enfin voilà, on va avoir un panel de gens super étendu, un panel de personnalités et de pensées super étendu. On a voulu traiter ça dans les médias d'une manière de clivage dans l'électorat américain. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a un qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est la majorité non silencieuse, qui est très présente aussi en France, où les gens ne disent rien, mais on ne peut pas les empêcher de penser. Et malheureusement, c'est que je pense que Trump a fait écho chez ces gens-là. Et là, pour le coup, maintenant, on peut se poser légitimement la question de savoir s'ils ne sont pas tous à moitié frappadingues de l'autre côté de l'Atlantique. Sincèrement, moi, ça me laisse vraiment dubitatif sur l'avenir, d'une part. Ce qui me fait peur, c'est quand je vois que notre fonctionnement est basé sur une économie, un système capitaliste, que je vois déjà après le Brexit, et que je vois aujourd'hui comment les bourses commencent à réagir. Parce qu'en une heure, ouais, j'ai essayé de faire le tour de tout le truc pour comprendre. Donc en une heure, pour comprendre, autant vous dire que c'est impossible. Mais j'ai essayé de récupérer le retard. J'avais pas d'influence dans cette élection, donc je peux pas culpabiliser. Quoique ce serait une bonne question de savoir si on n'est pas tous un peu responsables de tout ça. Et en une heure, j'ai lu tout et n'importe quoi, et ça ajoute encore plus à mon trouble, parce que les médias ne filtrent pas, donc ils vous livrent tout en bloc. Ou alors quand ils vous donnent une information bien ciblée, c'est vraiment géré par une ligne de rédaction bien précise, donc à moi l'objectivité, vous me la ferez pas. Ou plutôt la subjectivité. Voilà, j'ai du mal à croire que tout ça soit pas orienté au final et que finalement, ouais, ça c'est très très bien. Tout le monde a une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, à plus ou moins grande échelle, mais tout le monde a une part de responsabilité. Mais surtout, ceux qui vont en pâtir, je pense, c'est ceux qui n'ont pas les moyens dans ce monde où on vit, c'est ceux qui n'ont pas les moyens capitalistiques de se protéger. Faut pas rêver, on n'est pas dans des démocraties, on n'est pas dans des monarchies parlementaires, tous ces régimes-là, c'est de la connerie. On est dans de l'oligarchie aujourd'hui. Si tu as de l'argent, c'est toi qui fais tourner le monde. C'est toi qui te payes les organes de presse, c'est toi qui te payes les organes de communication, c'est toi qui te payes les lobbies. La preuve, aux États-Unis, le lobbying est autorisé. Il y a un quartier dans Washington qu'on appelle le quartier des lobbyistes, où les mecs, ils se rencontrent dans des bistrots d'hôtel. Enfin, dans des bistrots, c'est... Attention, j'exagère, hein. Mais voilà, les mecs, ils se posent autour d'une table et ils font leurs affaires comme ça. La politique, c'est ça. C'est du lobbying. Et monsieur Tartampion, il s'en branle la couenne. Mais ne rêvez pas. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, ça se passe en France. Il y a un moment, et là je vais sûrement enfoncer les portes ouvertes, hein, parce que vous êtes sûrement au courant. D'ailleurs, si vous écoutez ça, c'est sûrement parce que vous avez dérivé des médias particuliers, des médias généralistes pour trouver autre chose. Donc si je vous inflige ça aujourd'hui, bah excusez-moi, mais je pense que ce sera le seul. Mais j'avais pas le choix. Randall Flagg, David Obico me disaient, bah t'as de quoi faire une émission. Je leur disais, j'ai peur de ce que je pourrais dire. La peur, finalement, je l'ai pas. Je reste fidèle à ce que je suis. Je vous balance le truc comme je le ressens. Et si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous savez ce que vous avez à faire. Du moins vis-à-vis de ce podcast. Je vais pas vous donner des leçons. Je vous donne ce que je ressens. Vous le savez, je suis un kidam moyen. Je pèse pour rien dans l'économie de ce pays. Et quand je dis pour rien, c'est que la proportion par rapport à ma production, à ma contribution au pays n'est pas nulle, mais c'est simplement que mis dans la balance sur 66 millions de personnes ou 67, ou... mes actes ne pèsent pour rien. Voilà. Pas plus que ma parole. Dieu m'en préserve. Mais on se prépare des sales jours. Alors, on se prépare des sales jours aux États-Unis. Moi, je plains une partie de la population qui va rester là-bas. Mais si on fait pas attention, on se prépare des sales jours en France aussi. Moi, j'ai toujours entendu dire... Non. C'est pas que j'ai toujours entendu dire. Non, le propos sera pas clair, donc je peux pas... Là, pour le coup, je peux pas vous le développer. Mon propos serait pas clair. Mais c'est pas beau. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, ce que je vois ne me plaît pas. Que j'ai très peu de chances d'interagir avec. Que je peux pas beaucoup le changer. Et qu'on a définitivement basculé, à mon sens, dans un monde qui va pas nous plaire. Je suis peut-être très alarmiste. Le ton du podcast d'aujourd'hui est pas forcément super marrant. J'espère qu'il y en aura des beaucoup plus gays. En même temps, s'il n'est pas super marrant, c'est uniquement parce que c'est quelque chose qui me tient pas spécialement à cœur et j'aime pas subir. Je pense que d'une façon, je subis le fait d'avoir allumé ma télé ce matin et d'être au courant. Voilà, ceux qui ignoraient jusqu'à l'existence de Trump il y a encore un an devaient être super heureux. Je pense que depuis un an, ils rigolent moins. Je sais pas ce qu'il en est. Je vais essayer de mettre la radio pour voir, essayer de choper une chaîne d'info. Comme ça, on saura en direct. Alors, on est sur quoi ? On est sur Nova, normalement. Non, bah RMC, non, c'est pas la France Inter, non. Nova, non. Rire et Chanson, non. Il y a pas François Pérusse. Puis après l'épisode de Ça va trancher d'hier. Alors, France Culture, bougez pas. À gauche, bien sûr, il serait exagéré de dire que la gauche a créé Donald Trump. En revanche, une chose est sûre, le populisme, lui, grandit à mesure que la gauche, ou du moins celle qui se revendique comme telle, devient un projet élitiste qui ne représente plus ni les travailleurs, ni les chômeurs, jusqu'à en oublier des groupes entiers. C'est ainsi que naissent les peurs et que les mensonges peuvent prospérer sans garde-fou. À ce titre, d'ailleurs, le quotidien suisse Le Temps relève, lui, ce paradoxe. Même si la chose n'est que trop rarement rappelée, le populisme est d'abord de gauche, le concept de lutte des classes y correspondant exactement, sauf que le mot n'avait pas cours à l'époque et c'est ainsi qu'il est apparu plus tard pour désigner des mouvements de droite, voire d'extrême droite, lorsque ceux-ci ont entrepris de relayer les préoccupations des classes inférieures en moyenne, non prises en compte par les gens au pouvoir. Or, à bien des égards, reprend The Washington Post, Trump et ses sympathisants incarnent ce rejet des élites. Les gens qui se sentent laissés pour compte, ignorés, se sont trouvés un champion en lui, même si, autre paradoxe, Trump n'est au fond rien d'autre lui-même qu'un pur produit de l'establishment médiatique new-yorkais. Enfin, l'homme, tout comme le phénomène politique, soulève une question épineuse. Si Trump est sans conteste la plus parfaite incarnation de la politique spectacle, à la fois vulgaire et hypnotique, s'il a réussi à modifier la parole politique et accentuer les clivages dans un pays déjà polarisé, s'agit-il pour autant d'un phénomène passager, ou dit autrement, selon le journal de Washington, Trump a-t-il changé les États-Unis ou bien les a-t-il seulement révélés sous leur jour véritable? Toujours est-il que ce qui reste aujourd'hui, conclut le quotidien italien Avvenire, c'est le tableau désolant que donne à voir la plus ancienne démocratie de l'époque contemporaine. Il y a quelques jours, le journal de Floride, Miami Herald, écrivait « Si cette élection présidentielle était un vol commercial, on aurait tous des sacs à vomi sur les genoux. » Et bien ce matin, Guillaume, les sacs semblent déjà bien remplis. Voilà. Bon, bah écoutez... Hasard du timing, hein, j'ai pas spécialement intégré tout ce qu'il a dit, donc je vous laisse digérer le de votre côté. C'est qu'un point de vue, c'est celui de France Culture apparemment. Voilà, faites-vous votre truc avec ça, et puis si vous avez pas envie, ben, vous pouvez arrêter là, et puis ne pas écouter la petite musique que je vais vous laisser derrière. Je vous laisse là, bisous bisous, ciao ciao. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Et puis essayez de faire attention à pas à ceux que vous aimez pas, mais à ceux qui sont autour de vous, à ceux qui nous sont indifférents d'habitude ou auxquels on est indifférent. Parce que je pense que d'ici peu, on pourra avoir besoin tous les uns des autres. Malheureusement, on va s'en rendre compte très très vite et ça risque de faire un choc à certains. Allez, je te laisse là, je te rappelle et puis à la prochaine. Prepare.